Bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show. Ce soir, jeudi, non, on n'est pas jeudi, qu'est-ce que tu racontes? Mercredi 16 mai, il fait beau, il fait chaud, enfin, faut le dire vite. Et ce soir, une émission 100% Zik Nouveauté, avant de se retrouver peut-être prochainement pour une émission, on va faire un deux en un. Hein, mon cher Tom, bonsoir à toi. Un deux en un? Ouais, on fera le download plus Hellfest. Ah, bonsoir Phil. Oui, ça approche en plus ces choses-là. Bah, c'est qu'on n'est pas loin. Juin. On est à un mois, je crois, du download et du Hellfest. Voilà. Vous êtes loin de nous, vous êtes au Québec, vous nous écoutez sur Radio Biz. Et on salue Eric qui est parti. Il nous a laissé la radio. Ouais, mais il nous écoute, il revient dans une heure et il nous écoute. Ouais. Donc on va essayer de la laisser comme elle était. Voilà, et puis on va lui laisser propre, mais avec un peu plus de son quand même dans les oreilles. Et nous vous rappelons que les émissions sont rediffusées sur Metal-Invasion, et on salue Sydney. Tous les lundis. Tous les lundis soirs. Voilà, à partir de 20h-20h30, vous pouvez retrouver le Rock for Show. Donc cette émission sera rediffusée chez Sydney. Ouais, on est tous très contents. Bon allez, ce soir on a commencé avec une grosse nouveauté, puisque l'album ne sortira qu'au mois de juillet, le 13 juillet exactement, chez Frontiers. Il s'agit de Monsieur Graham Bonnet Band. Voilà, tiré de son, je sais plus combien, deuxième album, hein, deuxième album de cette formation là. L'album s'appelle Meanwhile Back in the Garage. Et en fait, l'album s'appelle aussi comme ça, le morceau s'appelle comme ça, enfin tout s'appelle comme ça. Donc c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Deuxième album donc, hein, comme je vous l'ai précisé, c'est un quartet de hard rock qui s'est formé en 2015 sous cette égide, sous cette formation aux États-Unis à Los Angeles. On salue au passage. J'ai perdu, bon c'est pas grave. Bah voilà, alors on le salue au passage. Mais non, on l'a salue au passage. Ah, on l'a, d'accord. Mais Mounia, voilà. Ah, Mounia. Mais pourquoi elle est à Los Angeles? Où il y a été dernièrement. Mais oui, mais elle y est plus, elle a dû revenir. Non, elle est revenue puisqu'elle a envoyé des petits messages sur Facebook et tout ça. Bon, on salue Christelle, on salue tous nos auditeurs. Pascaline, Olivier. Nos fans proches. Hugo, hein, on salue Hugo aussi. Ça, c'est un grand fan. Voilà, un grand fan. Christian. David. Énorme. Hein, donc on les salue tous. On peut pas mettre d'ordre. Non, on peut pas. Non. C'est pas possible. Alors Graham Bonnet, on revient dessus. C'est bien sûr l'ancien chanteur de Anzem, le groupe japonais. Il a été également chanteur d'Alcatraz, de Black Storm. Il a été ex-Imperatory, Tomorrow's Outlook. Il a été un ex-Rainbow également sur l'album. Comment il s'appelait cet album? Je ne sais plus, mais en tout cas, elle était très bien. Et puis, voilà, il a été un ex-MSG également. Et puis, vous pouvez le retrouver dans plein de groupes. Il était vocaliste de plein de groupes. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Rapture Farm. Sachez que Graham Bonnet ne sera pas en France tout de suite. Mais par contre, il y a une petite tournée en Allemagne, je crois. Donc, si vous êtes proche de la frontière, vous pourrez aller le voir. On revient à Rapture Farm que vous entendez en fond sonore. Ils seront en concert samedi au club avec Mankind et Jadis. Ce sera le 19, donc au club. 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler des places. C'est comme ça. Et puis bien sûr, maintenant nous allons parler dans des partir dans des nouveautés, mais pas seulement, puisque le Exodus dont on va vous parler maintenant n'est pas une nouveauté, hein, puisque l'album est sorti en 2014, donc ça commence à dater, mais c'est le dernier album du groupe pour l'instant en date, qui s'appelle Blood In, Blood Out, et le titre que je vous propose de découvrir est le titre éponyme, sorti chez Nuclear Blast. C'est le 10e album du groupe, c'est le 10e album du groupe studio, hein, bien sûr, 11 titres. C'est un quintet de trash et on retrouve sur cet album Monsieur Kirk Hammett qui vient taper le solo sur une chanson qui s'appelle Salt the Wound. Et sachez que c'est le premier album également qui voit le retour de Steve Zetro Souza après avoir disparu depuis 2004. Donc ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas joué dans le groupe. Voilà, c'est un groupe de San Francisco, la Bay Area, États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Et ben le concert, ils seront au concert à Paris le 5 juin prochain, au Petit Bain. Mais ils ne seront pas tout seuls, hein, mon cher Tom, puisqu'ils seront aussi avec Savage Messiah. Voilà, très bien. Puisqu'on l'a appris tout à l'heure. Mmh. Et ben dans les choses qu'on a appris aussi tout à l'heure, on peut vous donner la tête d'affiche du Vouziers Festival qui aura lieu le 1er décembre à Vouziers, dans les Ardennes. Et c'est des voisins. Oui. Alors, c'est les Anglais qui seront la tête d'affiche et le groupe, c'est Demon. Voilà, de groupe qu'on n'a pas vu depuis très très très très longtemps. On vous donnera l'affiche complète tout à l'heure, hein, mon cher Tom. Mais sachez que la tête d'affiche donc du Vouziers Festival, qui est déjà sold out, ça depuis sera l'année dernière. Hein oui, si oui, oui, oui, oui, oui, presque. À peine annoncé que déjà sold out, pas sold. Alors après Exodus, ce soir une émission très trash metal, hein, parce qu'on a oublié de vous dire quand même que Exodus c'est quand même un des fleurons, un des pionniers du trash metal. Angelus Apatrida, sauf que là on n'est plus à Los Angeles, là on est carrément en Espagne, je crois que ça doit être je sais pas si c'est pas près de Madrid, Albacete, je sais pas où ça se trouve exactement. En tout cas c'est Angelus Apatrida qui a sorti son nouvel album Cabaret de la Guillotine. Eh oui, un titre en français. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle One of Us, sorti chez Century Media le 4 mai dernier. C'est le 6e album du groupe, il contient 10 titres et c'est un quartet de trash metal formé en 2000. Et ils seront aussi en concert, mon cher Tom. Oui, excuse-moi, j'étais ailleurs. Le 17, le 17-8, à Saint-Nolf, au Motocultor. Au Motocultor, voilà. Et ils joueront à midi. Ouais. Hein, ils joueront à midi. Réveillez-vous de bonne heure. Voilà, le 17 août. Eux sera un peu au petit matin pour les Espagnols, à midi. Oui, oui, un petit peu. C'est le petit-déj. Et encore, le petit-déj, il est de bonne heure. Ensuite, on enchaînera avec les Américains, encore les Américains. Puisqu'il s'agit de Skid Row. Skid Row, alors bien sûr, il n'y a plus le chanteur. Sébastien Bach, non, il n'est plus là. C'est un nouveau chanteur qui s'appelle ZP Furt. ZP Furt. Le dernier album en date est aussi un album de 2014 sorti chez UDR Records. Il s'appelle Rise of the Damnation Army United World Rebellion Chapter 2. Donc voilà, c'est le deuxième chapitre. C'est un EP. Sachez qu'il y aura 3 EP. Le troisième EP devait sortir en 2015. Il n'est pas sorti parce qu'il y a eu un changement de chanteur. En 2016, il n'est pas sorti non plus. 2017, alors je ne vous en parle même pas. Donc il doit sortir en 2018. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Cheer Earth Attack. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur ça ? Bah oui, c'est ce que je vous disais. C'est le deuxième EP, ce qui fait 6 titres. Hein, et puis c'est du hard rock. Le groupe s'est formé en 1986 aux États-Unis et ils seront en concert, mon cher Tom, le 23 mai. Où ça ? À l'Empreinte Savigny, le Temple dans 77. Exactement. Ben voilà, je crois qu'on vous a tout dit sur la première partie de cette émission. On vous laisse avec un numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. We're slowing down, not gone yet. Dropping out of bed, about to make out the law. Show you all the way. Bear witness to the genesis of the violence, the way it was back in the day. We give you from the start, but you watch it fly. We kept the heat alive. Always had the power, now it's zero hour. Tonight we're gonna fight like it's 1985. Burn out! Burn out! God, I'm telling you, it's you, anything you wanna do. Burn out! This is a fucking galaxy of death, gonna riot. Burn it! You have the pedigree, welcome to the family. All in, or all out. De retour dans les studios, mon cher Tom, qu'est-ce qu'on a écouté? On a écouté tellement de choses que c'était tellement long que ça a été. Du trash et encore du trash. Et qu'on est déjà, peu de hard rock. Qu'on est déjà de retour. Exodus dans un premier temps. Annalus Apatr. Annalus Angelus. Ah voilà. Annalus. Angelus Apatrida. Voilà, c'est ce que je me disais. Parce que je regarde d'un côté, c'est marqué ça, de l'autre côté, c'est marqué autre chose. Mais je te dis. Anus Apatrida, faudra leur dire. Je te dirais que c'est toi qui as marqué ça. Ça veut dire que c'est un Anus Apatrida. Ouais, voilà. Tu as mis un H à la place du G, mais c'est pas grave. Ah bon? Oui, ça c'est pour ça. Bon. Et Skid Row. Voilà. Yes. Est-ce que l'on entend en fond sonore? Parce qu'on entend en fond sonore. Bonne question. Nesseria, qui seront en concert très bientôt à Paris. C'est quand déjà? Je sais plus. C'est au Bus Palladium. Voilà. C'est pour un festival qui s'appelle Post in Paris. Festival. Ce serait au 26 mai et il joue à 13h. Enfin, le festival commence à 13h, je sais pas. Ouais, c'est le festival qui doit commencer à 13h. Ah, ils nous viennent de chez Jeanne. La Pucelle d'Orléans. Voilà. L'album s'appelle Cette érosion de nous-mêmes. Il est sorti en 2017 chez. Je sais plus, chez qui ? Dweet ? Non ? Je sais plus. C'est Dweet qui en fait la promo. Alors je sais pas si c'est une autoprod ou si c'est sorti chez Dweet. Mais en tout cas, c'est Dweet qui en fait la promo et qui fait la promo aussi du concert. D'accord. Sachez que c'est un quintet de hardcore formé en 2004. Mm-hmm. C'est tout ce qu'on va vous dire sur eux. Non, je crois qu'il y a d'autres concerts. Oui, puisqu'ils seront également au download. Oui, le 17, ils seront en download. Le 17 juin. Ah, d'accord. Ah oui, 17 juin. Parce qu'après, ils seront aussi le 17 mai-août. Oui, mais alors attends. Le 17 juin, normalement, ils sont au download sur la Firefly scène. C'est la scène Firefly à 23h40. Donc, je vous précis. Et sinon, ils seront à Saint-Neuf le 17 août, cette fois-ci, donc au Motoculteur. Voilà. C'est bon, on a tout dit sur Nesseria. On va passer maintenant à des petites nouveautés que nous avons sélectionnées pour vous, chers auditeurs, de Radio Biz et de Rock for Show tous les mercredis de 19h30 à 21h30 sur l'Europe, hein, bien c'est entendu. C'est pas parce qu'il y a un mariage princier ce week-end qu'il faut faire ça. Mon cher Tom. Dans le reste du monde, c'est à partir de 13h30 jusqu'à 15h30, notamment au Québec. Nous allons continuer, mon cher Tom, avec Sign of the Jackal. Yes. Alors, je te laisse. Ouais, je te laisse parler un peu. Ouais, allez, si vas-y. Tu veux. Breaking the Spell, c'est le nom de l'album, le titre Headbangers, sorti chez Dying Victims Prod sortira le 9 juin prochain. Mais non, il est sorti. 2018. Ah non, 2018, t'as raison. Très cher. Ouais, 2018, ouais. Exact, j'ai rien dit. J'arrête de t'interrompre. C'est des Rital, Italien. Rital. Ne nous fâchons pas avec la communauté qui est de la botte, monseigneur. C'est leur deuxième album avec 9 titres. C'est un quintet de Heavy Speed, metal, chant féminin. Alors de classique Heavy Speed. Attention, on est dans le old school. Classique, hein. Classique Heavy Speed, metal, au chant féminin. Formé en 2008 et pour les fans de Warlock et Acid. Voilà. Mais je connais pas. Warlock, groupe allemand, Acid, groupe belge, me semble-t-il. Des années 80, hein, ces groupes des années 80. On enchaînera ensuite avec Alien Weaponry, qui nous sort un tout nouvel album. Alors, c'est marqué en je ne sais quoi parce qu'ils sont néo-zélandais. Alors, il y a tout avec un accent, mais en fait, au milieu, c'est marqué On the World. Short for. Alors, est-ce que c'est le titre de l'album? J'ai pas tout compris sur le titre de l'album, mais c'est pas bien grave. En tout cas, le morceau le morceau qu'on va vous diffuser ce soir s'appelle Holding My Breath. Ça doit vouloir dire retiens mon souffle, je crois. Ça doit être ça, retiens mon souffle, ou le souffle en suspens. Enfin, c'est comme ça. C'est un album de 13 titres. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont néo-zélandais. Ils se sont formés en 2010 et ils nous font du trash metal. Et c'est un trio. Et franchement, c'est très très bien. Ce soir, beaucoup de trash. Hein. Je vous ai prévenu dès l'entrée. Beaucoup de trash sur Radio Biz. On enchaînera ensuite avec Matter D, mon cher Tom. Matter D, avec leur album Pignata. Pianeta. Pianeta. C'est Pianeta. Ouais. Pianeta. Et le titre, Wow, Thousand and One Nights. C'est alors, bien. Eux, ils nous viennent d'où ? J'ai même pas marqué d'où ils viennent. Ah, bah tiens. C'est ballot. Tiens, ouais. j'ai pas mis. Bon, bah, c'est pas grave. Le titre c'est... que l'on va écouter ? 1000 and One Nights. Ah, bah oui, tu l'as dit. D'accord. Voilà. C'est et leur cinquième album. Ouais. Qui 11 titres. Ça sortira le 8 juin prochain chez Rock Shot Records. Yes. Formé en 2008. C'est pour les fans de LUVC. Tiens, chez Radio Québec, ils aiment ça. Corpiclani, Omnia et Faune. Oui. Voilà. Et c'est un sextet de folk, pagan, celtique, metal. Rien que ça. Bon appétit, bien sûr. Et rien que ça, mon gars. Non, c'est très très bien. C'est John Asher qui nous les a envoyés. Et on le remercie. Bah, ça doit venir du Québec alors. Je sais pas. Tu pourras regarder tout à l'heure. On l'annoncera. Ça s'appelle Maturdy. M-A-T-E-R-D-E-A. Voilà. 06 80 01 28 34. Voilà, si vous voulez nous passer des petits messages, si vous voulez rafler des places de concert, il y a aussi des CD de Lofofora à gagner. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Hein. Écoutez l'émission et puis au fur et à mesure, bah, vous pourrez au 06 81 01 28 34 envoyer vos SMS pour gagner des choses. Pour l'instant, on vous laisse en musique avec du trash et on se retrouve tout de suite après. Musique. Avec du trash ? Yes. Bah, Signal Talk, c'est pas du trash. Hein, mais bon. Quoi ? C'est du trash. I'm telling you what you can do. Listen to music, go and

de retour dans les studios du Rock for Show. C'est pas cool ça? Ça va. Hey, c'est pour toi ça que j'ai choisi ça, mon cher Tom. Ça fait plaisir, c'est gentil. Ouais, c'est vachement bien, j'ai reçu ça de chez Monsieur Kebras Record. Ah, Pat, salut Pat. Yes, Pat. Si tu nous écoutes. On lui passe le bonjour, oui, je pense qu'il écoute. Hein. En voisin du studio en plus, il est pas très loin d'ici. Ouais, ça s'appelle Devil Joe and the Backdoor Man. Ça fait 2 ans qu'on est dans ce studio-là. On a dit un jour on se reverra Pat Kebras. Bah, un jour. Un jour, bah, il y a un album, je crois, qui doit sortir dans pas très longtemps, donc ce sera peut-être l'occasion, on verra. Quoi. Si tu nous écoutes, Pat, rejoins-nous, viens. C'est un quartet de garage rock hargneux formé en 2008 à Saint-Etienne. Allez, la S Saint-Etienne. Ah non, ce soir, c'est PSG, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas PSG, c'est Marseille. À Lyon. Ça va chauffer. Contre le Celtic de Madrid, c'est ça? Non, contre l'Atlético Madrid. Atlético, ouais, on s'en bat les couilles. Celtic, c'est Glasgow, très cher. Ah d'accord. Bon, c'est pour te dire comme quoi ça me... Passe un petit peu au-dessus, quoi. Ouais. Légèrement. Ouais. Ah déjà que t'as plus beaucoup de cheveux, on va pas te les amuser plus. Hein. C'est ça. L'album donc de Devil Joe and the Backdoor Man que vous écoutez en fond sonore s'appelle Press Rewind et il est sorti en mai 2018, donc c'est-à-dire là ce mois-ci. Et la promo, c'est donc Kebra Records. Mais on n'avait pas dit avant qu'on revenait sur Martha Dea. Si, mais d'abord, on a écouté Sign of the Jekyll. Yes. Ensuite, c'était Alien Weaponry. Et donc, Mater D. Mater D, oui. Ou Mater Dea, comme Mater tu veux. Mater Dea, je pense. Ah, parce Mater Dea. C'est de l'italien. C'est oui. C'est des italiens. Et donc, c'est ça qu'on voulait savoir. Et pour info, l'album sort chez nous en Europe le 8 juin. Mmh. Et il sort qu'au mois de juillet. C'est bien ce que je t'ai dit. Ouais, je crois. Aux États-Unis. Pour les Nord-Américains. Les Nord-Américains. C'est pas que les États-Unis, du coup, ça inclut le Canada et tout ça. Voilà. Ok. Bon, bah merci, monsieur Tom. Mais de rien. Et puis, moi, j'adore Devil Joe and the Backdoor Man. Franchement, super. On essaiera de vous en repasser. Parce que ça s'agroove, ça sonne. Ouais. Et derrière, ça joue, hein. Ça me fait penser ça fait un petit peu à Dire Straits, le son de la guitare. Ouais. Un petit peu. Non, c'est vraiment... Moi, j'adore. J'adore. Franchement, j'ai craqué. C'est moi, j'allais te dire côté indépendant à Jesse Lee et Zia Kavis. Oui, aussi. On a été aussi, voir il n'y a pas aussi. Longtemps. Mais, ah, ouais. Mais par contre, c'était pas prévu que je le passe. Hein. Puis au dernier moment, j'ai écouté l'album et j'ai trouvé que c'était super bien. Donc j'ai dit, bon, bah voilà, on va le passer en fond sonore. Avant de le passer... Comme quoi, même si vous envoyez un CD vachement tard à Philippe, il peut vous le passer très vite. Ouais. Donc merci, monsieur Pat Kebra. Nous allons continuer avec des nouveautés. Motor Jesus... tiré de l'album qui s'appelle Race to the Resurrection. Ça tombe bien hein, parce que il y a l'ascension, il y a tout ça là ces derniers temps là au mois de mai hein. Donc Motor Jesus, ça sort au bon moment. Ça s'appelle Reinit, sorti chez Drakkar Entertainment le 15 juin prochain. Oui, c'est pour ça, ça sortira le 15 juin prochain. Ouais. C'est pas encore sorti, c'est en promo peut-être en ce moment. Mais nous, on vous le passe au mois de mai, parce que on pense que c'est la période où il faut vous le passer. Dis-moi, moi. Drakkar Entertainment, c'est un lien avec Drakkar? Non, rien à voir. Rien à voir du tout. Au passage, ça, c'est une maison de disques. C'est une maison de disques. Donc il y a la maison de disques et il y a le groupe. Et c'est pas un groupe. Voilà, il y a la maison de disques, il y a le groupe. Tu sais, des Drakkar, il y en a plein. Il n'y a pas que ça, il y en a encore pas mal d'autres. C'est un groupe allemand qui nous vient de Mönchengladbach. Mönchengladbach, hein, donc Motor Jesus. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus d'autre? C'est le 5e album du groupe, il contient 13 titres. C'est un quartet de heavy rock classique. Ils se sont formés en 2006, mon cher Tom. Mm-hmm. Je te laisse présenter la suite? Non, je te laisse, parce que je suis en train d'aller voir quelque chose. D'accord, Lizzie Borden revient avec un nouvel album qui s'appelle My Midnight Things. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Love is God. C'était pour faire suite à Motor Jesus que j'ai choisi ce titre, Love is God. Ça sort chez Metal Blade le 15 juin prochain. C'est le 7e album du groupe, 7e album studio bien entendu, parce qu'il y a eu des albums live, il y a eu des compiles, il y a eu tout ça de chez Lizzie Borden. Il contient 10 titres. c'est un quintet de heavy metal qui s'est formé en 1983. Ils sont pas tout jeunes, les Lascars. Et aux États-Unis, à Los Angeles, voilà. Et pour terminer cette petite programmation musicale, nous allons partir avec Battle Roar. Battle Roar qui sort lui aussi son nouvel album. C'est un groupe grec. Codex Epicus. Exactement, mon cher Tom. Et le titre ? Kings of Gold, of Old. Old, ouais. Gold, c'est ma préférée. C'est les rois des vieux. Des vieux. C'est ça, le roi des... Ou les vieux. Pourtant, non, ils sont rois des vieux. Ouais, pourtant, ils ne sont formés qu'en 2000. Hein. Ouais. Bon, après, c'est déjà leur cinquième album. C'est déjà une belle. Oui, oui, ils ont déjà une belle carrière et ça sort chez Cruz del Sur Music le 15 juin prochain. En fait, les trois qu'on vous passe là sortent tous le 15 juin prochain. Ouais, c'était. Je les ai collés exprès. L'album fait 9 titres. Tu as dit ça ? Oui, ouais. Non, je sais plus. J'ai dit que c'était le cinquième album, mais pas forcément 9 titres. Et c'est un sextet. T'aimes bien ça, les sextets ? Tête. Hein ? En fait, un sexe plus la tête, c'est un peu à 69, non ? C'est comme ça que ça s'appelle. Ils font du violon. Enfin, du moins, c'est du heavy metal. Avec un petit peu de violon. Voilà, exactement. Formé en 2000 ? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, tu l'as dit, c'est bien. Et où ça ? Athènes. Ah, Athènes. C'est cool. Bon, mais écoutez. Athènes. Athènes Ben Arfa, c'est ça ? Non, A-T-U-M. A-T-U-M, ouais. Moteur Jesus, donc on part en Allemagne, on continue aux États-Unis, puis on va faire un petit tour du côté de la Grèce avec Battle Roar. Allez, yes, on est parti ? Allez, c'est parti. 0681. 01, 28, 34, musique. Feel my life is worn and wasted. Retour dans les studios avec le Chevalier, groupe Las Palès. Alors, j'ai Las Palès. Non, on l'a déjà fait la semaine dernière. C'est bon. Ah bah on prend les mêmes et on recommence. Hein, ouais. Et c'est vrai, mais pas avec le même album. Voilà. Puisque là, il s'agit de l'album A Call to Arms qui vient de sortir, je crois. Je sais pas, j'ai pas mis la date de sortie. Ça sort chez Gates of Hell Records. Donc là, ça sort là au mois de mai. Et le morceau que vous entendez derrière nous s'appelle The Awakening. C'est le deuxième EP du groupe, puisque la semaine dernière vous avez passé le Split EP, donc ce sont des Finlandais. Et pourquoi on vous les passe comme ça, ils viennent d'Helsinki? Et bien on vous les repasse justement parce qu'ils seront à Paris, mon cher Tom. Ils seront, où est-ce que j'ai vu ça? Ils seront à Paris, j'ai pas mis la date. La salle. Je crois qu'on avait pas dit que c'était le club. Gibus. Le club ou le Gibus, je sais pas. Ouais. Je crois que c'est le club avec Aura, Sacral Night et Citadel. Ouais. Et c'est le 26 mai prochain. Voilà. Donc ils font un métal assez orienté, enfin qui puise ses origines dans les années 70-80. Et ce sont de très très grands fans de ADX, Judas Priest, Iron Maiden. Merci Full Fate, j'en passe, et des moins bons. Le groupe s'est formé en 2006 et ils seront à Paris et on les salue bien bas, voilà, merci beaucoup. Ce que nous avons écouté auparavant, si tu peux me baisser un petit peu dans les oreilles, parce que là, ça, voilà, merci bien. Donc, qu'est-ce qu'on a écouté avant? Eh bien, on a écouté Motor Jesus, suivi de Lizzie Borden, et on a terminé avec Battle Roar. J'espère que ça vous a plu, voilà. On va continuer encore avec de la nouveauté, mon cher Tom, mais avec des Français. Oui. Lyrique, enfin lyrique, on va dire symphonique. Oui, c'est un sextet même. Yes. Ivy. Yes. Ivy et symphonique en même temps. Avec chanteur et chanteuse. Ouais. Wisdom. Yes. Voilà. On vous a déjà passé. Hein. Mais cette fois-ci, ils seront en concert et la date approche de plus en plus, hein, puisque c'est le 26, c'est ça ? Je vais te laisser dire le nom de l'album. Alors, tu me laisses dire le nom de l'album. Ça s'appelle As Time Turns to Dust. D'accord. Et le titre du morceau s'appelle Follow. Follow Your Heart. Follow quoi ? Your Heart. Tu crois qu'il faut suivre ton cœur ? Ah ouais. Ah bon, d'accord. Bah, alors, on va suivre ton cœur. Bien. Puis c'est leur quatrième album, quand même. Yes. Neuf titres. Neuf titres sortis chez. Il est sorti. Oui, il est sorti. Chez Scarlet Records. Le 6 avril, il est sorti. Et ils fêtent leurs 11 ans cette année. Voilà. Donc concert, ça sera le 26 à Paris, à la Boule Noire. Ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec Beneath the Sins et Belokan. My Sins. Beneath My Sins, exact. Et Belokan. Et Belokan, voilà. On enchaîne avec des nouveautés, des grosses nouveautés. Le groupe sort son quatrième album, ça s'appelle Tremonti. Moi j'adore, c'est un multi-instrumentiste, moi j'adore beaucoup. Et l'album s'appelle A Dying Machine. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Take You With Me. Prends-toi avec moi. Ouais, bon, d'accord, ok. Hein. Ouais. Bon, il doit y avoir un message collé là-dessus. Je te prends avec moi. Ouais, c'est ça, ouais. Napalm Records, ça sort le 8 juin prochain. L'album fait 14 titres. C'est un trio de heavy mélodique formé en 2008 aux États-Unis à Detroit. Le groupe sera en concert à Clisson au Hellfest, mon cher Tom, le 23 juin. Bah d'ailleurs, on va rappeler les dates du Hellfest si tu les as sous les yeux. De toute façon, c'est aux alentours. Tu les as pas sous les yeux. C'est le week-end du 23 juin. Voilà, c'est le week-end du 23 juin, donc ça dure 3 jours. Voilà. Et vous retrouvez à peu près 150 ou 160 groupes, je sais plus. Enfin bref, il y a beaucoup de monde. Puisqu'on parle du Hellfest, on va parler aussi du Download. Le Download, c'est une semaine avant, hein, voilà. Sur 4 jours. Il y a Guns N' Roses le lundi, il y a Marilyn Manson, qu'est-ce que tu le m'as dit le samedi, il y a Ozzy le vendredi et Foo Fighters et The Hive le dimanche. Voilà. Le dimanche, c'est une belle scène, je pense. Ouais, de toute façon, c'est un beau festival. Si ça se trouve à côté, là, c'est dans le 91. Il faut passer la frontière. C'est quoi, c'est Parc d'Ossau ? Non, c'est quoi ? Non, c'est BA 217. Faut faire un saut. C'est BA 217, c'est la base aérienne 217 à Brétigny-sur-Orge. Brétigny-sur-Orge, voilà. C'est enfin, Cœur d'Essonne, le Plessis-Pâté. Enfin, c'est un peu entre tout. Et... Quoi, t'es dans le pâté ce soir ? Non, t'as l'air en forme. Hein. Allez, on continue avec Infrared après Wisdom. Infrared qui sont ils sont d'où ils sont non c'était pas après Wisdom, je raconte n'importe quoi, après Tremonti. Infrared qui eux sortent un album qui contient 8 titres, ça sort chez Pure Grain Audio le 25 juin prochain. Vous voyez, on prend de la marge, hein, quand même, hein. Je crois que le groupe est canadien, c'est ça? Oui. Hein, c'est ça, et le groupe s'est formé en 1985. C'est un groupe de thrash metal. C'est un quintet. D'Ottawa, exactement. Exactement. L'album s'appelle Saviors et le titre s'appelle Genocide Convention. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là-dessus ? Ah oui, c'est pour les fans d'un mix de Testament, Exodus, Metal Church. Et SOD, voilà, tout un programme, vous allez aimer. Et surtout, ils seront en concert. Ils seront en concert le 30 mai prochain à. Où ça ? À Amptor ? En prior dans l'Ontario. The St. John Pub. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec Flotsam and Jetsam. Et le 29 juin, ils seront aussi dans l'Ontario, donc chez eux, à Ottawa. Au House of Targ, voilà, et avec Black Mass, ils m'aident pas en plus, ce Tom, donc c'est cool. Non, j'ai plus personne. Je sais même plus où j'en suis, moi. Ils sont avec qui ? Avec. Je sais plus parce que ça a sauté des lignes. T'es resté sur Infrared. Oui, Infrared, et à la fin, ils seront donc en concert. Ils seront en concert le 30 mai, donc. Dans l'Ontario. Avec Black Mass Mortor, voilà. Et Mortor, plus et ça, Mortor. Et plus, c'est plus Mortor. Oui, c'est un autre groupe, c'est un troisième groupe. Black Mass et Mortor, voilà. Bon, je crois qu'on vous a tout dit. Donc, on commence avec Wisdom, on continue, excusez-moi, avec Tremonti, on termine avec Infrared. On est parti en musique, c'est parti. 06 81 01 28 34. We'll be right back. Toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz et sur Metal Invasion. Voilà, exactement. Oui, j'attendais que tu le dises parce que je te laisse quand même parler sur Metal Invasion tous les lundis soirs pour la rediffusion. Mais vous pouvez également nous retrouver sur nos podcasts à partir de mardi, c'est ça ? Prochain. Ouais, c'est mardi prochain. Hein. Tu mets une fois que les autres rediffusions ont été faites. Généralement, je fais ça pour pas désavantager l'un ou l'autre si vous n'avez pas eu le temps d'écouter sur Radio Biz. Voilà. Et ben, sachez également que les concours restent ouverts pour les dates qui ne sont pas dépassées jusqu'à lundi soir après l'émission de Metal Invasion. Même mardi matin avant la diffusion en podcast. Oui, avant la diffusion en podcast. Ce que vous entendez en fond sonore, c'est Charge, groupe français de la région parisienne. C'est tiré de leur premier album qui s'appelait Sweet Lips, sorti en 2014. C'était une autoprod. Ils seront en concert. Hein, Sweet Lies ou Sweet Lips ? Sweet Lies, les doux mensonges, en fait. Ouais. Ils seront en concert le 25 mai à Paris, à la Boule Noire. Mais ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec nos amis de Molly Baron. Evius. Exactement. Et Abcan. Voilà, donc on a des places pour vous au 06 81 01 28 34. Et Molly Baron, je vais revenir dessus. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Sachez que Charge sortira un nouvel album en 2018. Et que tout à l'heure on a oublié de vous dire qu'il y avait des places à gagner pour Wisdom, le concert de Wisdom qui a lieu donc ça va être le 26, c'est ça ? Oui, si je ne m'abuse. Je crois, ouais, hein, je crois que c'est ça qu'on a dit. Je sais plus. En tout cas, il y a des places pour le concert. Oui, le 26 avec. Oui, le 26 à la Boule Noire avec Midnight My Sins et Belocan. Voilà, ça vous fait un petit week-end à la Boule Noire quoi. Il y a beaucoup de concerts en ce moment, même le 26, il y aura un autre, il y a Chevalier. Enfin, voilà. On vous en parle tout à l'heure. Lumberjack. Oui, le 18 mai. Le 18 mai, ce sera au Bar d'Atomic. Ouais, c'est une sorte de release party, quoi. Oui, c'est pour la sortie du nouvel album. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des prix dessus, il y a quelque chose ? T'as des infos sur Lumberjack ? Parce qu'ils ne seront pas tout seuls. Je n'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça. Bon, bah c'est pas grave. Après, si vous allez sur Facebook, vous verrez. Bah oui, de toute façon, il y a l'affiche sous dans le Facebook du Rock for Show, sous l'émission de ce soir, tout en bas. Vous avez l'affiche puisque Hervé nous a posté l'affiche du concert. Voilà. Donc on a écouté Wisdom, on a écouté Tremonti et on a écouté Infrared. Et maintenant, on va écouter des petites nouveautés. On va écouter un groupe japonais qui s'appelle Mary's Blood, tiré de leur album Revenant. Et le morceau que je vous propose de découvrir s'appelle World's End. C'est sorti chez Tokuma Japan le 18 avril dernier. C'est le quatrième album du groupe, il contient 11 titres. C'est un quartet power metal féminin. Et ils se sont formés en 2009 et ils nous viennent de Tokyo. Voilà, donc on espère que ça va vous plaire. C'est aussi spécial, hein, ça chante en japonais hein, quand même. Nervosa ensuite, mon cher Tom. Yes, Nervosa, avec leur album Don't Down, Fall and My Kind. Yes. Et le titre Kill the Silence, sorti chez Napalm Records, ça sortira du coup. Le 1er juin prochain, c'est leur troisième album, 13 titres plus un bonus. C'est un trio de thrash metal féminin. Ils sont formés en 2010 et ils viennent de Brésil. Sao Paulo. Ouais, Brésil. On souhaite une bonne fête à tous les polos. C'est pas maintenant, mais... Sao Paulo. Salut, et nous enchaînons avec les Français. Les Français hardcore de When Reason Collapse. Et on vous offre aussi des places pour leur concert qui aura lieu très bientôt. Ce sera le 2 juin à Paris, au J-Bus Live. C'est la release party hein, du groupe. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec Gravity et avec Deficiency. Mon cher Tom, on y reviendra tout à l'heure à Deficiency. On reparlera de ce concert. Oui. L'album de When Reason Collapse qui vient de sortir chez Do It. Il sortira le 25 mai. Mai prochain. Hein, prochain. S'appelle Omen of the Banshee. Exactement, et le morceau c'est Lies of God. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? C'est le deuxième album du groupe, il contient 9 titres. C'est un quintet de deathcore formé en 2008 à Paris. Voilà, je crois que c'est tout. 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler des places pour Wisdom, pour Deficiency et When Reasons Collapse, également pour Chevalier. Hein. Et puis l'autre concert qui a lieu à la Boule Noire, c'est Molly Baron, c'est ça, mon cher Tom. Oui. Avec qui c'est que j'avais dit d'autre encore. Il y a tellement de monde. Evius, Demon Tool, et Apcan. Voilà. Allez, on envoie la musique et on se retrouve tout de suite après. Musique. 06 81 01 28 34. Retour sur Radio Biz avec le Rockfort Show jusqu'à 21h30. Mary's Blood, Nervosa et enfin When Reasons Collapse. C'est ce que vous venez d'entendre dans le déroulé de cette émission. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Deficiency. Ils sont français, ils viennent de Forbar et ils seront en concert avec Ogibus Live pour la release party de When Reasons Collapse. Et ils seront en compagnie de Gravity, voilà les Deficiency. Nous allons, et on vous rappelle, 06 80 01 28 34 si vous voulez rafler des places pour le concert. Nous continuons avec Lophophora. Lophophora, ce n'est pas des places de concert qu'on a à vous offrir, mais des CD du dernier album qui s'appelle Simple Appareil. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Sven de cet album, sorti chez Atom le 6 avril dernier. Voilà. L'album contient 11 titres et c'est entièrement en acoustique du combo parisien, ça, c'est formé bien, ça. En 1989. Et ce sont que des titres inédits. Hein. Ouais, penses-tu que le concert sera totalement acoustique ou pas? Apparemment, c'est ce qui est prévu. C'est un concert acoustique. Ah ouais, et ça, le concert, concert aura lieu à la Maroquinerie. Mon cher Tom, et ce sera le 7 juin 2018. Exactement, voilà. On continuera avec Nevermind. T'as pas de place à faire gagner. Je viens de le dire, que j'en avais pas. J'ai des CD à la place. Je viens de le dire. Faut écouter, monsieur Tom. Non, nous continuerons bien, avec Nevermind the Car, un groupe français. Sorti chez Pat Kebra Promotion ou Pat Kebra Record. C'est un EP 6 titres. Le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom, ce soir. Innocent. C'est pas toi, ça. Hein, c'est pas toi. C'est une autoprone. Le groupe s'est formé en 2010. Et ils nous viennent de Paris. On enchaînera ensuite avec Overcharger, tiré de leur album qui s'appelle Orion. Le morceau que je vous propose, c'est Burning Woods. Origine, pourquoi Orion? N'importe quoi, moi, c'est Origine. Puis en plus, le Tom, il me dit rien. Je te laisse dire les conneries. Hein. C'est Origine, sorti chez Overpowered Records le 25 mai prochain. L'album contient 10 titres et c'est leur deuxième album. Ils nous viennent d'où, ces petits... Bordeaux. De Bordeaux, voilà. Et c'est un quintet de sludge metal formé en 2010. Bah voilà, on a tout dit. 06 ouais. 80 01 28 34, on envoie la musique et on se retrouve après. Ouais, c'est allez, ça, quand c'est on parti. Arrive et puis on revient quoi. Allez, parti. Le cœur bien lourd, on est venu des quatre coins de la tribu. On a pleuré, on a bu. Les sœurs de sang, les frères de scène, les indécents et les sirènes. Incandescent phénomène, irradié d'un beau triple 7, le temps d'une vie d'une allumette. Est-ce le hasard ou de la veine? Cette énergie que rien n'arrête, prise dans une bulle paillette. Notre vie a croisé la tienne. Qui sait ce que les amitiés deviennent et la forme qu'elles prennent? J'attends encore que tu reviennes, mon Sven, pour envoler ma peine. Dans les ruisseaux et les volcans, aussi légers, aussi troublants que ta guitare à mes oreilles. Nuage blanc, aujourd'hui porté par le vent. Tout cela te va à merveille. Comme héritage qu'on se souvienne, écrit en rose fluorescent. Le temps présent est un présent. Et l'amour est un océan où les enfants viennent et se baignent pour ne jamais devenir grands. Qui sait ce que les amitiés deviennent et la forme qu'elles prennent. j'attends encore que tu reviennes, mon Sven, pour envoler ma peine. Ah ouais, dans un joli seau de cabri. Voilà ton rire qui résonne, tes notes qui tourbillonnent. Alors le soleil brille encore, et ce regard qui rayonne. On sait bien que tu n'es pas mort, puisque le soleil brille encore. You're some chicken, and then I won't have to stuff my boot all up in your ass. Up in your ass. De retour pour la fin de l'émission dans les studios du Rockfort Show sur Radio Biz. Molly Baron en fond sonore. Ils seront en concert à la Boule Noire avec Charge, avec Evius, avec Demon Tool et avec Apcan. On vous en a parlé tout à l'heure. Ce sera le 25 mai prochain, la Boule Noire, 06 80 01 28 34 par SMS si vous voulez rafler des places pour aller les voir en concert. Nous allons terminer, mon cher Tom, oui, avec deux groupes, Asking Alexandria, tiré de l'album du même nom, cinquième album du groupe, 13 titres plus un bonus dans la version Digipack. Ça sort chez Sumerian Records le 15, c'est sorti le 15-12-2017. Pourquoi les passe-t-on dans une émission 100% Zik Nouveauté? Tout simplement parce que ce quintet de metalcore formé en 2008 au Royaume-Uni sera en concert. Deux concerts, un à Paris, ce sera le 8-6 au Trabendo. Et le deuxième, ce sera au Hellfest à Clisson dans le 44. Ce sera le 24-6 à 10h du matin. Et nous terminerons cette émission avec Sunstorm, tiré de leur tout dernier album qui s'appelle The Road to Hell. Le morceau que je vous présente ce soir s'appelle Only the Good Will Survive. Seul le bon survivra, comme nous, hein, le bon vin, le bon Rock for Show. Ça sort chez Frontiers Records le 8 juin prochain. C'est le cinquième album du groupe, il contient 11 titres et nous retrouvons Monsieur Jolin Turner au chant. Bon voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire, le groupe s'est formé en 2006. On va vous quitter et on vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Pas sûr. Non mais même lieu, même heure, mais si, puisque ce sera soit une rediffusion, soit un direct. Ah d'accord, ah, je croyais que t'allais dire. Mais de toute façon, même lieu, même heure, quoi qu'il arrive. C'était Rock. C'était fort, c'était chaud, c'était le Rock for Show. À la semaine prochaine, amusez-vous bien. On vous laisse avec Asking Alexandria et Sunstorm. Bye bye. Bye. Ciao, salut. With the wind.